bien distrait par ma maîtresse. J'osais calomnier l'amour, j'ai dit qu'à ces plaisirs d'un jour succède un siècle de tristesse. Alors dans un accès d'humeur, je voulus prêcher l'inconstance. J'étais démenti par mon cœur, l'esprit seul a commis l'offense. Une amante m'avait quitté, ma douleur s'en prit aux amantes. Pour consoler ma vanité, je l'ai cru toutes inconstantes. Le dépit m'avait égaré, loin de moi le plus grand des crimes, celui de noircir par mes rimes un sexe toujours adoré. Malheur à toi, lyre fidèle, où j'ai modulé tout mes airs. Si jamais un seul de mes vers avait offensé quelque belle, sexe léger, sexe charmant, vos défauts sont votre parure. Remerciez bien la nature qui vous ébaucha seulement.